Elle a gardé les clés de ses chambres d'hôtel et piqué tous les cendriers des restos italiens où j'allais avec elle. Elle en aura besoin plus tard, comme des cailloux dans sa mémoire. Elle a pris en passant un bracelet du Népal, les parfums enivrants vendus au Sénégal. Elle a dans ses valises un peignoir du Hilton, une tristesse de Venise, un amour de Vérone. Comme des cailloux dans sa mémoire. Elle a gardé le bleu des voyages en plein ciel et piqué les fleurs en papier des restos vietnamiens où j'allais avec elle. Elle en aura besoin plus tard, comme des cailloux dans sa mémoire. Elle a pris au hasard les galets d'Étretat, les cintres des armoires du Waldorf Astoria. Elle a dans ses valises un nageur des Seychelles, un tableau des marquises, un dîner aux chandelles. Sur un gâteau d'anniversaire, elle en aura besoin plus tard, comme des cailloux dans sa mémoire. Comme des cailloux dans sa mémoire. Elle a gardé les clés de ses chambres d'hôtel, elle a gardé le bleu des voyages en plein ciel. Elle a dans ses valises un peignoir du Hilton, une tristesse de Venise, un amour de Vérone. Sur un gâteau d'anniversaire et les bougies imaginaires. Sur un gâteau d'anniversaire, elle en aura besoin plus tard, comme des cailloux dans sa mémoire.